Perles de la littérature contemporaine, Chateaubriand. Notice biographique. François-René Vicomte de Chateaubriand naquit en 1768 à Saint-Malo, d'une famille noble et ancienne, connue dès le Xe siècle. Consacré à la Sainte Vierge dès le berceau, il échappa maintes fois à d'imminents périls tant de l'âme que du corps. Le jeune Chateaubriand passa son enfance au manoir patrimonial de Combourg, puis fit de rapides études au collège de Dole et de Rennes. Il obtint, à 17 ans, un brevet de sous-lieutenant au régiment de Navarre et de capitaine à 19 ans. Durant le séjour qu'il fit à Paris, dans les dernières années du règne de Louis XVI, il se lia avec Lahart, Fontane et autres écrivains de l'époque et débuta dans la littérature par des vers insérés dans l'Almanach des Muses où il fut ravi de se voir imprimé. À la vue des excès populaires qui préludaient à la Révolution, Chateaubriand s'éloigna de France et s'embarqua pour le Nouveau Monde avec le projet de chercher par terre un passage au Nord-Ouest. Pendant une année, il parcourut les immenses solitudes et les forêts vierges de l'Amérique septentrionale, vivant avec les sauvages et ébauchant son poème des Natchez. Au milieu de ses courses vagabondes, il rencontra, dans une hutte de Huron, un lambeau de journal qui lui apprit l'arrestation de Louis XVI. Il comprit aussitôt que son devoir était de se joindre aux défenseurs du roi et se hâta de revenir en Europe. Après avoir conclu un mariage arrangé par sa famille, il se rendit à Koblenz et s'enrôla dans les compagnies bretonnes de l'armée des émigrés. Grièvement blessé au siège de Thionville, il fut transporté mourant à Jersey, d'où il se rendit en Angleterre. Là, il eut à souffrir de la misère et fut obligé de chercher une ressource dans l'enseignement du français et dans des traductions pour les libraires. Vivant dans un grenier, où il souffrit du froid et de la faim, Chateaubriand y acheva son premier travail littéraire et fit paraître à Londres, en 1797, l'essai sur les révolutions anciennes et modernes dans leur rapport avec la Révolution française. Dans cette œuvre de sa jeunesse, il exprimait en politique et en religion des idées mauvaises, peu en harmonie avec celle qu'il professa plus tard. Les malheurs de sa famille, décimés pendant la Terreur, et une lettre de sa mère mourante, le ramenèrent à la religion. Il rentra en France, en 1800, rédigea pendant quelques années le Mercure avec M. de Fontane, et fit paraître dans ce recueil, en 1801, Atala ou les amours de deux sauvages dans le désert, création originale, œuvre à la fois passionnée et religieuse, qui fut la première d'une école nouvelle et causa une vive sensation. Vers cette même époque, parut René, épisode détaché des Natchez, roman alors inédit, très peu moral et très peu chrétien, rêvé au milieu des forêts américaines, et dont les défauts s'expliquent par la jeunesse de l'écrivain qui n'aurait pas dû plus tard le publier. La mélancolie blâmable de René, dans lequel on croit que l'auteur s'est peint lui-même, est du plus mauvais exemple. Un cœur innocent n'a point de pareil trouble, et ne se laisse pas aller à de tels excès de sauvage misanthropie. L'œuvre capitale de Chateaubriand est le génie du christianisme, et l'on peut ajouter le poème des martyrs, qui en fut comme la conséquence, et où le poète essaie de mettre en action les idées émises dans le précédent ouvrage. L'à propos du génie du christianisme n'est pas le moindre de ses mérites. L'apparition de cette œuvre, au moment où le Concordat relevait les autels, semble l'effet d'une mission toute providentielle inspirée par le ciel au poète pour les besoins de l'époque. Ce n'était pas tout de rouvrir les églises, il fallait y ramener la foule qui avait désappris la religion. Il ne faut donc pas tout à fait juger cette œuvre avec nos yeux actuels, à présent que tous nos besoins peuvent être satisfaits sous le rapport de l'enseignement religieux. Chateaubriand n'est pas un père de l'Église, dont il faille toujours peser chaque expression au poids de la plus exacte orthodoxie. C'est un poète inspiré, émule de Milton et de Klopstock, et les surpassant par l'étendue et l'universalité de son génie. C'est un homme du monde qui réhabilite, au moyen des plus magnifiques et des plus gracieux tableaux, la religion tombée dans un injuste dédain et qui remue les passions du cœur au profit de la vertu, alors que les raisonnements les plus convaincants ne servaient plus de rien à la foule indifférente. Cette foule, ne sachant ni les lire ni les écouter, n'était plus sensible qu'au persiflage de l'école voltairienne qui l'avait pervertie. Fatiguée de dissensions, d'impiétés, d'horreurs, la France avait besoin de foi, d'amour, d'inspirations neuves et pures. Le génie du christianisme opérait une révolution à la fois littéraire et religieuse. Les martyrs sont le sujet d'une épopée où toute la grâce de la poésie antique, ressuscitée par Fénelon, est unie au plus sublime tableau que puisse présenter l'éloquence chrétienne. L'itinéraire de Paris à Jérusalem, digne des œuvres précédentes de l'auteur, est la seule peut-être qu'on puisse livrer sans restriction aux mains de la jeunesse, et le récit d'un docte et pieux pèlerinage entrepris par Chateaubriand alors que le meurtre du duc d'Enghien lui portait à donner sa démission du poste d'ambassadeur que lui avait confié Napoléon. Retiré dans sa modeste habitation de la vallée au Loup, à Aunay, près de Sceaux, Chateaubriand, ne s'occupant plus que de littérature, fut nommé membre de l'Académie française en 1811, mais il ne lui fut permis de prendre possession de son siège qu'à la Restauration. Il rentra alors dans la vie politique, suivit Louis XVIII à Gand, et fit paraître successivement plusieurs écrits de circonstances dont nous n'avons pas à nous occuper ici. Des questions d'amour-propre l'ayant fait dévier de sa voie politique, on le vit desservir ce qu'il avait aimé et se jeter dans les rangs de l'opposition. Sa fidélité se réveilla à la chute des Bourbons et son esprit chevaleresque lui fit alors prendre parti pour les vaincus. Les mémoires d'outre-tombe que M. de Chateaubriand, pressé par la nécessité, vendit de son vivant pour être publié après sa mort, lui font plus de tort que d'honneur. Il n'est pas bon pour les grands hommes qu'on les connaisse trop, que l'on entre dans le détail de leur vie intime et le secret de leur mesquine passion. La vanité, bien plus que l'humilité, semble avoir dicté ces révélations posthumes. Il y a dans Chateaubriand un mélange de qualités et de défauts. On lui reproche, non sans raison, d'être poseur. Il posa jusque dans la mort, en désignant sa sépulture sur le rocher du Grand Bay, flot d'aspect romantique, situé dans la rade de sa ville natale, et sans cesse battu des flots et des vents, image de la vie orageuse qui fut celle de cet homme célèbre. Sa mort, arrivée le 4 juillet 1848, fut chrétienne, et il regretta quelques-unes de ces pages qu'il n'était plus en son pouvoir de changer. Parmi ceux de ses écrits qui ne furent pas politiques, il faut désigner ses études historiques, un essai sur la littérature anglaise, le dernier avant ses rages, la tragédie de Moïse, récemment réduite par le révérend père Nampon, de manière à pouvoir être représentée dans les collèges, une traduction du Paradis perdu et une vie de Rancé, les Natchez, poème dont nous avons déjà parlé et qui mérite plus d'un blâme, est un fruit de la jeunesse de l'auteur qui, ayant égaré son manuscrit, ne le publia que dans un âge déjà mûr. Quels que soient les divers torts que l'on ait pu reprocher à M. de Chateaubriand, il n'en est pas moins une de nos illustrations littéraires les plus incontestables, et selon la parole prononcée à sa mort par l'abbé de Guéry, qui reçut ses derniers soupirs, la France compte en lui un de ses plus nobles enfants. Madame de Chateaubriand eut la gloire d'avoir fondé l'hospice Marie-Thérèse pour les prêtres vieux et infirmes.